Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sitting in the bathtub. She was slowly chopping my nails. Somehow, we got apart. And I went down the drain. She can't lose me. So she holds on to that nail. And then she came. And she went down the drain. I was already in the river. When I looked up and I saw my nails swimming down, I said to the river, must be earth. So I went down the drain. We now live in a river at the end of the drain. When you're low, it's still a high. Passing by a river, remember, all you put in it is part of you and stares at you. Life goes on at the end of the drain. Its bottom is a top. And past the brain. Up, up, up, up, up, up, up the drain. No restraint. Everybody is going down the drain. Je suis rouge comme un artichaut. Ouais, mais présumes-tu que l'artichaut est rouge? Lorsqu'il est bouilli à souhait. À souhait, ben tu lui demandes, êtes-vous à souhait? Puis là, s'il dit à vos souhaits, ben il est prêt. Un artichaut qui n'est pas chaud, qui n'est pas rouge, qui n'est pas pompeux. Oh, on en connaît des pompeux. Ah, il y en a des, on est entouré de pompeux. Il y a aussi quelques pompeuses, là, mais c'est des professionnels. T'as-tu ce nouveau personnage-là? Toi? Celui qui fait... Hein? Non, tu l'aimes pas? Tu voudrais plus qu'il revienne, hein? OK. C'est un de mes préférés. Sugar Dédé. Dédé, sucre dadé. Dédé. On dédie. Ouais, j'ai des terres de... Ouais, j'ai baissé pas mouche. J'espère que vous êtes pas trop... Merci. Priez pour moi. Priez mieux que ça, madame. À genoux. Avec le... Comment t'appelles? Pas le crucifix, là, mais le... la bague. Non, c'est au cou, là. Une bague au cou. Non, c'est ma laisse. Laissez ma laisse. Non, je vais la reprendre tantôt à la fin de l'émission, là. À 2 heures, oui. Je vais faire comme vous voulez. Ah! Dans la liste. Oh, comme d'habitude. Non, mais là, on dévoile ça au public. Là, on devrait pas. Parce que, non. Il y a des choses qui restent là, puis d'autres doivent bouger. L'artichaut est rouge. Il est enflé? Vous êtes... Non, comment vous voulez dire? Madame, allez-y. On est branché actuellement. On est là. Ben, on est là. On est absent. On est absent dans le présent. À présent, on voudrait vous raconter l'histoire de l'artichaut qui s'est fait connaître à Nashville, Tennessee. Merci, merci. C'est très gentil. Mais l'artichaut faisait du pouce. Comme c'est quoi le terme en anglais pour faire du pouce? De l'autostop! Nous, on dit du pouce. Oui, OK, pouce, mais pouce égal. Crois-tu que l'artichaut va se faire choisir par un automobiliste? Hey, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu crois qu'un un homme en voiture ou une femme, mais les femmes, très souvent, si elles ne sont pas armées, prendront pas un artichaut rouge à bord de leur véhicule? Elles ne savent pas si tout ça va exploser sur leur vitre avant. Et que faire? L'homme sait que si l'artichaut explose, ben il explose. La femme, ben elle le voit aussi, mais le ménage et tout. Ah oh, mon Dieu, les années 70, m'excuse infiniment auprès des dames. Oh! Je vais recevoir des courriels. Vous nous abaissez ou maintenant? Non, c'est pas. Non, je vous ai pas abaissé, madame. Prenez pas ça comme ça. C'est parce que le garçon, en moi, n'évalue pas tout le travail que ça va donner à cet individu-là, étrange, moi, de nettoyer tout ça dans le véhicule. Vous le savez. Vous le savez, madame. Non pas parce que vous vous intéressez au ménage, mais c'est dans vos âmes, pas vos gènes. Ah. Je vais avoir des blâmes, là. Qu'est-ce que je me suis mis dans l'embarras? L'artichaut, en plus, vous savez qu'on vient de dépenser. Nous, on se la cuisine, moi, regarde. À part les pâtes que je sais qu'elles sont admettées. Admettez que c'est cuit, là. Hein? Moi, je suis comme ça, là. Quand ça bouille, là, on peut dire que... Là, je le sors, puis c'est encore dans le croustillant. Là. Non, la femme, elle sait que la pâte est al dente au regard. À la souplesse. À la sensualité de la pâte au fond de la casserole. Et nous, on voit quoi? On voit des affaires dans un gros bocal qui se fait chauffer la couenne, qui se fait bouillir la couenne. Comment on peut se... On prie, on se demande que, bon, on fait quelques incantations là, diaboliques. La femme, arrête donc. Arrête tes singeries, là. Tu vois pas qu'elle n'est pas étendue. Qu'est-ce qui est étendu, ma chérie? Ben, la pâte n'est pas étendue. Je m'étendrai pas sur le sujet, là. Mais alors, là, c'est pour ça que le haricot, mesdames, vous, quand vous le voyez exploser, vous pouvez calculer le temps que ça va prendre à nettoyer ça. Nous, un petit coup de mouchoir, c'est tout sale encore. Mais, ça paraît pas. Ben, ça paraît pas. Je suis ta femme depuis 35 ans, puis ça paraît. Oui, ça paraît. Oui, ça se voit. Nettoie ça mieux que ça. Ben, arrête donc, là. On voit très bien. On voit bien, mais ça va coller. Ben, ça collera. Moi, mais si ça colle, ça part plus. Ah, ça partira à un moment donné. Voyons. Qui s'est collé à la vitre décollera un jour. Ouais, c'est une vieille technique gauloise. Gaulois, arrête d'en fumer, des gauloises. Ah, bon, c'est vrai que ça m'amène le cerveau un peu. Oui, dans la congélation précaire. C'est pour ça que tu m'aimes, ma chérie. Ouais. Je me doute. Tu doutes de? Je doute de mon amour. Ah, mon. Ma chérie doute de son amour. C'est peut-être une fin. Une fin en soi. J'espère que cet amour se cueillera entre mes doigts. Maman. Alors, on y va avec ça. C'est merveilleux. Là, je me suis rattrapé. J'ai patiné un peu. Vous avez remarqué hein, sur l'artichaut, là, la femme, nettoyage. Puis à la fin, on a le regard. Puis on sait que vous n'êtes pas. Hein. Vous êtes là, puis on vous aime. Puis bravo, bravo, bravo. Nous, ben, on est là. Puis vous nous aimez. Mais bon, allô, allô, allô. Hein. Monsieur le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames et voluptés, c'est de l'humour. Hein? C'est de l'humour. L'humour à la maman, à la papa, à la popo, à la pupille, à la pupu, à la gugu, à la gaga, à la gabapé. Pardon, on n'a rien dit, monsieur. On a parlé d'humour, là, mais à la quoi? On ne sait pas, là. À la mode de chez nous. Et chez nous, c'est ici. C'est bien, c'est beau, hein? Pouvez-vous pas prendre ça en note? On ne prendra pas ça en note, merci. Pouvez-vous pas prendre un papier? OK. Pouvez-vous pas prendre un crayon? OK. Pouvez-vous pas vous en souvenir? OK. Pouvez-vous pas continuer? Ben, c'est parce que je dois dire, Monsieur le Président, Messieurs les pas trop catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'Errance Rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pit qui change de chapitre diégétique. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. On a-tu pris le dessus, madame? On n'a rien compris. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Vous le saviez? Sinon, vous le savez. Qui télécharge mes émissions? Qui? La gestapose, c'est-à-dire la police secrète, la police... La police. Là, ici. Non, hey, on a oublié d'annoncer notre affaire. Ben oui, on va le dire, là. Bon, faites-vous-en pas. Eh, hey, monsieur, aujourd'hui, le vendredi 1er juin, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Riato. À la frontière de la chanson populaire et de la littérature underground, Riato développe les... Là, il faut vous dire que... Mon impression, l'impression que tous les accents aigus ont été changés par des signes chinois. Je ne sais pas comment appeler ça. Parce que j'ai pas voulu refermer mon imprimante. Puis je peux même pas lire ce que ça... Ah, oh, monsieur. Donc, si je peux retrouver l'autre feuille, monsieur, avez-vous de la... On a une petite chanson peut-être pour développer? Ouais, pour aller chercher? OK. Les Rolling Stones, ça vous plairait, monsieur? Du vieux, non, du nouveau Rolling Stone, parce que j'ai pas vraiment autre chose que ça sous la main, là, mais c'est excellent, excellent, je vous le dis. Vous allez tellement aimer ça là, que vous allez en demander in vitam. Puis si vous n'aimez pas ça, ben bouchez-vous l'oreille pendant combien de temps, monsieur? Je n'aurai pas le temps, même en chantant aussi vite que le vent, Mais en chantant, je n'aurai pas le temps. Ben là, on le prend-tu, là? Oui, on y va, attendez, monsieur, fâchez-vous pas, vous, là. C'est pas meilleur des Rolling Stones, hein? Peut-être, regardez, on y va comme ça, là. Non. Qu'est-ce qui se passe, mon générique? On y va, au revoir et merci. Aujourd'hui, le vendredi 1er juin, les gens pensaient danser, là. Hein? Avez-vous vu ça? Zay, on vous a coupé ça. On aime ça, l'herbe sous le pied, là, quand on... On coupera ça. Aujourd'hui, le vendredi 1er juin 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Vous êtes déçus, hein? Pensez danser jusqu'à... Hein? C'est fini. C'est moi qui mène ici. Qui mène, je mène pas vraiment. Moi. Je suis l'esclave de moi-même. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les apparats familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Riato. À la frontière de la chanson populaire et de la littérature underground, Riato développe les négatifs d'une contre-culture luttant pour son existence. Armé de poésie et d'un sens mélodique imparable, ce fils spirituel de Bachung et de Higelin signe d'une plume lourde de sens trempée dans l'encre de sa folie douce et peu ordinaire. J'allais dire autre chose qui prenait un autre sens, hein? J'allais dire à l'encre de sa folie douce et un peu ordinaire. Et lorsqu'on enlève ça et qu'on le renomme autrement, ça dit un sens trempé à l'encre, hein, okay? Du sens trempé à l'encre de sa folie douce et peu ordinaire. C'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux de même, monsieur. C'est bien mieux, je vous le dis, c'est bien mieux. Oui, c'est, pas, c'est comme ça, c'est bien. On aime ça de même. C'est mieux, c'est mieux. Oh non, non. À nous deux, à nous deux. Ça a mis du temps, c'est vrai. Mais ça va mieux, ça va mieux. Il ne reste plus qu'à nous deux, qu'à nous deux. C'est quoi, donc? Un cœur en convalescence. C'est nul. Ce fils spirituel de Bachung et de Higelin signe d'une plume lourde de sens trempée à l'encre de sa folie douce et peu ordinaire. Auteur et compositeur habité, arrangeur, j'allais dire argenté, c'est pas, hein? C'est pas un poisson, lui-là, là. Loin de là. M'excuse, hein? Monsieur, voulez-vous me parler? Je vous remercie infiniment. Auteur et compositeur habité, arrangeur et interprète à la sensibilité androgyne, Riato plante son drapeau dans la neige inaccessible de nos rêves. J'aime ça. Dans les neiges inaccessibles de nos rêves. Et au Québec, ça prend tout son sens. J'aimerais bien entendre Gilles Vigneault chanter dans la neige inaccessible de nos rêves, Jean du pays, c'est votre tour. Hey, hein? Et juillet dernier, mon imitation de Gilles Vigneault, c'est merveilleux. On y va? OK, on reprend la... Attendez, mais monsieur, oui. Alors, monsieur, oui. Plante son drapeau dans les neiges, inaccessible de nos rêves. Jean du pays, c'est votre... Hey, je vais le remplacer, hein? Mon grand succès. Faire le tour du monde et chanter des chansons de Gilles Vigneault. Jack Monadonke, mon paysan, Jack Monadonke, c'est me, Ouais, mais lui, il y a des paroles. En juillet dernier, Rance Rinaldienne se trouva là, à Paris, devant un artiste de grand talent. Un voyage chargé pour cette nuit. Faut-il s'arrêter ici, la musique? Oui, on va laisser la musique. On la laisse tranquille, la musique. Libérons la musique! Bien tranquille, bon ouvrier, bon artisan. C'était le meilleur de la ville pour faire les tables et les bancs. Tôt le matin dans son échoppe, avec le bois de l'olivier. Par le rabot, par la varlope, il en oblissait son métier. Plutôt belle. Un jour il rencontre Marie. Jeune et jolie, douce et fidèle, il veut lui consacrer sa vie. Le voilà déjà qui installe meubles et tapis dans sa maison. Qui repeint les murs de sa salle et met les plumes aux édredons. Je passe et dit à Marie étonnée, je vous salue pleine de grâce et vous annonce un héritier qui va naître sans toit, sans âtre, sans drap, sans berceau, presque nu, près d'un bœuf que l'on va abattre et d'un âne qu'on a battu. C'est bien ainsi qu'en Palestine, la face du monde a changé. Qu'on prévienne les magazines et le journal télévisé. Sur la paille d'une cabane et sous le ciel de Galilée, ce jour entre le bœuf et l'âne, un petit enfant juif est né. Un petit enfant juif est né. Le cœur du disque qui ensuite part un petit peu dans d'autres directions, mais ça c'est le cœur du disque et c'est voilà, ça donne une assez bonne idée de ce que l'album sera. Baudelaire, Paris-Saint-Ouen, Pris, voilà, sont les quelques chansons qui ont voilà. Oublions le dernier titre parce que c'est écrit entre parenthèses des mots. Exactement. À travers ces trois titres là, est-ce que tu revendiques davantage une des trois chansons? Je crois qu'elles sont toutes les trois assez différentes. Il y a une chanson qui s'appelle Paris sans toi et qui fait clairement référence à des bandes originales de films des années 60 ou 70, et ça va un petit peu dans le sens de, je sais pas, d'hommage à Ennio Morricone ou à Francis Lai ou ce genre de. Est-ce que c'est des extraits de dialogue ou des extraits de musique de... Non, c'est quand tu entendras le thème, le son du piano, on a l'impression d'être dans une espèce de vieux Paris du début des années 70, peut-être un film de Verneuil ou quelque chose comme ça, ou même de Lelouch, pourquoi pas, tu vois. On est un petit peu dans ce... Ah, t'aimes bien Henri Verneuil, t'aimes bien l'univers. Ah, j'adore Verneuil, j'adore le... Oui, j'adore Lelouch aussi. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Ok. T'aimes bien les réalisateurs des années 70. Ouais, 60 et Godard 70. Aussi, Godard, j'adore. Ouais, j'aime bien ces gens. T'aimes bien des films qui sont ancrés sur le Paris que l'on connaît. Alors ça, j'en suis vraiment dingo, ouais. Il y a un truc à Paris qui s'appelle la Cinémathèque de Paris. Alors oui, je suis allé voilà, la semaine dernière. Et puis... On y trouve à peu près tous les films qui, depuis le début du cinéma, dans lesquels il y a la moindre image de Paris. Même si c'est un Paris reconstitué à Hollywood, du moment qu'il y a Paris dedans. Et je suis très friand, j'adore voir les vieux films sur Paris, les quartiers, comment ça change, etc. Et tout ça, voilà. Alors que tu adores ta ville. Ah ouais, j'adore ma ville, ouais. Écoute, j'ai 10 questions. Oui. Soit que tu prennes le temps d'y réfléchir ou que tu te lances sur ce que ça t'inspire. Si tu étais un liquide... Tu étais un quoi? Un liquide. Ben, un steak. Non. Ouais, c'est ça. Si j'étais ça va bien le steak. Si j'étais un liquide, je serais de l'eau de mer. De l'eau de mer? Ouais. Ok. Pourquoi? Salé? Ouais, je sais pas. J'aime la mer. C'est la première chose qui me vient comme ça sans réfléchir. Association d'idées. Alors quand tu t'immerges, tu prends une bonne gorgée d'eau de mer. Ouais. Si tu étais une ville. Alors. Je serais Paris mois de mai, comme disait Aznavour. Non, je serais Paris en 1871. Oh, ben là. Sous la commune. Tu vas trop loin, là. Si tu étais une ville, c'est Paris. Voilà. Parce que plus tard, il y aura une autre. Ah, d'accord. Ben, voilà. Oui, ben là, il connaît déjà le texte. Non. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue, je serais l'espéranto. Langue universelle. Et puis personne ne le parle, mais ça sonne bien quand même. Espéranto, il y a Espéranto, j'aime bien. Oui, effectivement, l'espérance d'un jour avoir cette langue comme... Ouais. Si tu étais une époque... Je serais la commune de Paris, voilà. 1871, 56 jours qui ont changé Paris, qui ont changé le monde. On en parle en ce moment, et pour moi, c'est une époque très importante. Voilà. Et donc, peut-être à travers tes chansons, tu vas peut-être amener cette couleur-là. Je devrais certainement m'y intéresser. Ouais. Je devrais certainement. Là, en ce moment, on célèbre un petit peu cette période, une période que les Français et les Parisiens ont un peu oubliée. Je suis sûr qu'on l'étudie plus à l'étranger qu'en France. Mais c'est une période très intéressante. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis 1860, voilà, pendant la Commune de Paris, c'est aussi. C'est pendant ces 56 jours que Rimbaud a publié son premier recueil de poèmes, etc. Donc il y a plein de... La folie à cette époque. Voilà, j'aime beaucoup cette époque. Ouais. Si tu étais un mot. Libellule, je serais. L'appellation, la façon de le dire. Ah, c'est joli, ouais. Ben, c'est joli. Est-ce que c'est l'insecte en tant que tel ou le mot? C'est le mot. Le mot. jusqu'à la fin de la semaine. Je suis Pétrois chez Citroën. C'est un bon petit boulot, avec cantine et avantages sociaux. Je suis copain avec Nénès, qui est le délégué du syndicat à la chaîne des boîtes de vitesse. Je suis heureux comme un roi, d'autant plus que le samedi et le dimanche aussi. Avec Maria, on va danser la java. Maria, c'est la jouvencelle chez qui je vais tous les midis pour faire chauffer ma gamelle sur son petit bain-marie. Je l'ai connue l'année dernière au Val de la RATP, où ce que travaillait son frère comme prêtre ouvrier. Et ce jour-là, messieurs dames, à la salle Vagram, avec Maria, on a dansé la java. On s'aime tout comme Adam et Ève, on va bientôt se marier. On attend la prochaine grève pour que je sois augmenté. Comme m'a dit mon contremaître, quand on est jeune, faut se dépêcher. Aussi un enfant va naître qu'on appellera Irénée. Irénée le digne enfant. Et le soir, sans un mot, autour du berceau, avec Maria. Danser le Let Kiss. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de ce recueil contre... Non, moi, de du plaisir, hein? Enfin, j'ai eu du plaisir. Plaisir. Ire. Ouais, je sais, le ire à la Artakit. On se gargarise le air. Madame, pouvez-vous le gargariser le air? C'est un air de chez nous. Oui, ben, enfin, oui, de chez lui. On parlait de Jules Minot. Oui, c'est son oui. On y voit. Oui. Parfait. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la phrase de ses nouvelles. Quand c'est des nouvelles, c'est pas des nouvelles. J'espère que c'est des bonnes nouvelles, monsieur. Saviez-vous si c'en est des bonnes? Oui? Vous l'avez appelé hier, hein? Et puis, elle a pas voulu trop vous dévoiler ce qu'il en était. Mais l'accident, est-ce que c'est causé par... Oh, oui. Est-ce que M. Claude Monet va en parler? Il va dévoiler toute la stratégie derrière tout ça? Mais les policiers sont pas mêlés là-dedans, là. Les policiers, la sûreté municipale de Ménène. Oh, mon Dieu. Il y a des têtes qui vont tomber. Est-ce qu'elles sont déjà tombées, madame, monsieur? Est-ce qu'ils sont des... Ça roule maintenant? Sur l'asphalte ou sur le sable? Sur le sable, hein? Hein, monsieur? Plein de mégots de cigarettes, hein? Puis les gens ont plus le droit de fumer sur les plages, là. Ouais. Alors, Claude Moirier va nous en parler. Ça, c'est le vrai ninaniana, hein? C'est le vrai. Il n'y a pas de faux là-dedans, hein, monsieur. Puis s'il y a des faux qui se lèvent et qui le disent très haut maintenant, hein? OK. 10-4. Alors, vous êtes là-dessus, monsieur? Vous êtes notre journaliste de fond. Vous êtes un mineur, hein? Et vous avez 42 ans, il faut le dire. 42? 40, 43. OK. Alors, merci d'être avec nous, hein? OK, vous êtes là, vous? OK, merci. C'est louche. L'accident. C'était en direct. Monsieur l'a vu. Vous êtes... Non, mais c'est grave, hein? C'est très grave. Il y a peut-être des morts. Il veut pas nous le dire. Il y a du sang dans... Oui? Il y a du sang. Là, je me fais du sang de cochon, monsieur. Ben oui. Il y a pas de nom. Vous pouvez pas dire de nom, hein? Il n'y a pas de nom qui peut sortir de là. Puis, j'ai entendu dire deux vedettes. Est-ce qu'il y a deux vedettes là-dedans? Il y a deux vedettes. Des chanteuses, hein? Elles n'étaient pas habillées, hein, c'est ça? Ben oui, je le sais. Elles écoutaient du Jim Morrison? Mais c'est mauvais signe. Il se passe des choses à l'ancienne indienne. J'ai même pas le goût de... On va arrêter ici. On va mettre la musique. De vedette. Est-ce que c'est ma copine? Oh non! C'est pas vrai. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase. Excusez-moi. D'une de ses nouvelles. Extrait de son recueil, Contes et nouvelles. Bref, j'ai pas le goût. Là, j'ai pas rien, on passe la lame, non? Entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Buck, Buck, Big, Buck, Buck, Big, Buck. Alors, la première phrase, c'est le titre, non? On va dire la phrase. Harry et Doc et la bouteille au milieu dans cet hôtel minable en plein centre de L.A. L.A., L.A., L.A., es-tu là? Jean-Charles, elle est là, hein? La bouteille aussi? Une bouteille presque pleine ou presque vide? Presque pleine, hein? Là, je tiens à dire, mon cher ami, que ça me met un peu dans une situation prête-lui pas ça. Non, mais tu sais pas ce qu'il peut faire avec. Ben oui, mais il y a une gâche. Il y a la fuse. Ben voyons donc, il y a un missile. Les informes demain. Oh mon Dieu Seigneur. Non, donne pas ça. Couchez. Jette ça. Tire ça. Non, tire pas ça. Non. Dépose. Tranquillement. Sur la ouate. Ou sur le tapis. Quelque chose de léger, de doux. Sois doux. Doudou. T'as pris. Hein? Bon, attention. Hey, vous là, vous êtes. Nous sommes dans le LA. Elle est par là. Elle devait être là, mais elle n'est pas là. Puisqu'elle est partie. Elle est partie dans la voiture de Gaétan. Qui l'a conduit ici à mon émission Errance canadienne. On ne sait même pas si elle va arriver avant l'eau principale, les terrains principales, mais la fourmi n'est pas prêteuse. Hein? C'est là son moindre défaut, mais plus qu'elle en dit de fausse, plus on y croit. Elle a toujours menti. Elle. Quand elle dit la vérité, on n'y croit même pas. C'est une vraie. Unique. Jamais vu, jamais bu. Jamais lu, jamais tu. Jamais vu, jamais nu. Toujours nu. Toujours nu. Ah, elle est toujours nu. Toujours. Elle a tout le temps chaud. L'andropause. Elle ménopause à 21 ans, mais je ne trouve. Ça va faire dur à 52, hein. Quoique, il n'y a rien qui va tomber à 52, 51 ans. Il n'y a rien qui va tomber. C'est déjà tout là. Hein? Non, on parle de l'esprit. L'esprit ne tombera pas. Il restera là, intact. C'est une créatrice. Chaude et chauve. Elle aime ça, le casse de bain. Elle a... C'est pour ça qu'elle m'a pris. J'ai des cheveux, moi. Ça fait différent. On peut pas se tromper quand on se regarde dans le miroir. Juxtaposés, juste à côté un de l'autre. Ah, elle, c'est la lune. Moi, c'est le touffu. La lune et le touffu. De Jean de la Pompaine. Un jour, la lune demandait au touffu. Hey, toi, le touffu, comment ça t'es venu? Le touffu. Intrigué par sa lancée, dit à la lune, « Toi, ma rosée, comment ça t'es pas avec Roger? »« Ah ben, Roger m'aimait plus comme ça. Il me trouvait un peu au-delà. Non, c'est l'au-delà. Au-delà, toi de moi. Tire-toi, va-t'en, va-t'en, tire-toi. Tire-toi, reste là, va-t'en, reviens. » Et monsieur, il était... Équilatéral. Oh mon Dieu, Iquique, il voulait pas qu'elle parte. Hein. C'est une bête tellement attachante, cette lune-là. C'est une lune molaire, non solaire. Oh mon Dieu. Elle était avec Philippe. Ah, puis Philippe, c'est l'écrivain qui était là devant son papier, son crayon. il rédigeait. Phillips était très solaire. Ah. Là, il écrivait les femmes, il les décrivait, il les ondulait, il les turlutait, il les provoquait, il était là seul, parlant de la femme. La femme facile, la femme difficile, la femme d'argile. La femme fatale, la femme idéale. Et le Philippe, beaucoup plus solaire que Mahler. Non, c'est Mahler, le grand Mahler, Philippe Mahler, le chanteur Mahler, l'instrumentiste Mahler. Ouais, Mahler, autant qu'on veut, ça c'est le titre. Ma prononciation. À l'origine, il y a 2 ans, je disais aliment. Mais là, aliment, ça... Non, alors, aliment. Si j'étais un aliment... Oh là là, c'est dur, ça. Je peux être un plat cuisiné? Oh oui, déjà, oui. Ah ouais. Je serais une lotte au Saint-Jacques. Ah, ça donne la dalle, des questions. Ah oui, ben écoute. Si tu étais une saison... Oh, je serais l'automne. Un peu mélancolique de nature, je serais l'automne. La fraîcheur aussi, Ah, l'automne que j'irai voir au Canada, j'espère bientôt. L'hiver, je connais pas. L'hiver au Québec. L'hiver au Québec. Ben moi, le Canada, je connais pas. Le Québec, je connais. Ah, pardon, excuse-moi. Si... Ah, ben alors, si j'étais une saison, je serais l'automne au Québec. Alors. Ok, parfait. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Je serais... Non, ben vas-y, il est minuit et il est grenaille. Ah, je serais un pied. Un pied, ouais, pour le prendre? Bah, exactement. Si tu étais un moment de la journée? Je serais... un lever de soleil. Pour le côté poétique, le côté... Bah parce que plus jeune, c'était surtout les couchers de soleil que je voyais, puis maintenant je me lève tôt. À cause des enfants, puis cause des Voilà, on prend d'autres rythmes, maintenant je commence à apprécier le lever de soleil. Enfin, ça veut pas dire que je me suis couché avant, hein. Parfois je vois le lever de soleil parce que je suis pas encore allé me coucher, mais... Ok. Ouais. Les enfants partent et là tu vas te coucher. Par exemple. Ah oui. Si, je connais. Si tu étais un autre individu... Je serais une femme, c'est sûr. Pour vérifier tout ça? Je sais pas, pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Et pour faire chier les mecs, non? Bah en gros, ouais, pour venir me faire chier moi surtout. Ok, Ah, tu graviterais autour de toi? Non, je m'amuserais un peu comme un chat avec une souris. Ah oui, ok. Ah oui. Ah, oui. Et l'actualité de ton groupe dans les prochains mois, prochaines années? Ah, dans les prochains mois, ça se présente bien. On a quelques dates, on a quelques dates en France. On part au mois d'août. On va faire la première partie d'Eddie Mitchell. Oh, voilà, qui fait un peu qui fait je crois la tournée de son dernier album qui sera sans doute le dernier spectacle. Ouais. Donc voilà, on a la chance d'être invité à faire sa première partie. Mais comment ça s'est produit là, que tu puisses être à la première partie de Monsieur Eddie Mitchell? Ah bah ça s'est produit parce que grâce. Est-ce qu'il vous connaît? Non, il nous connaissait pas. Ben, Thomas qui est là avec nous, donc Thomas Borghi, c'est un ami d'Eddie Mitchell. C'est pas un ami d'Eddie Mitchell, mais c'est un vrai bélier. Il défonce toutes les portes. Okay. Il fait écouter ça à tout le monde. Voilà, on forme un duo diabolique. Ah, un duo qui s'arrête jamais. Ok. Ouais. Et oui. Alors Eddie Mitchell, c'est quoi? C'est le producteur qui vous a connu? C'est je crois que c'est Thomas qui, à force de faire écouter à une personne, qui en a fait écouter à une autre et une autre et une autre, et puis proposer, et puis voilà, appeler des gens, proposer. Il a selon son proverbe, qui ne tente ne tente. Il a tenté. Et... qui me tente? Comment? Qui ne tente ne tente. Ah oui. Proverbe belge. Ah c'est bon, c'est bon. Voilà, mais lui il a tenté, Thomas, puis voilà, la réponse a été positive, donc on est ravis, on va faire ça va être une Mais combien de soirs? Ah, juste un soir, mais voilà, c'est à la foire au vin de Colmar qui est un très beau festival. Voilà, il y a 10 000 personnes. Semi-plénaire, voilà. Ok. Ouais, c'est une sorte d'amphithéâtre très... c'est un super festival. Et combien de minutes vous allez faire? 40? On va faire 35-40 minutes, ouais. Et sinon, quand vous faites en solo, vous faites combien de minutes? On joue, on a un show qui est entre 1h15, 1h30, ça dépend. Mais les autres titres, c'est lesquels? C'est ceux qui vont se retrouver sur les prochains albums? Oui, ce sont les titres qui ne sont pas tous forcément... Pour l'instant, ils sont en maquette, en démo. Pour l'instant, ils ne sont pas tous... enregistrés encore proprement, mais on les joue déjà sur scène, on les rôde sur scène et ça nous permettra de les enregistrer bientôt. Ouais. Est-ce qu'on en a mangé de la vache enragée? Est-ce qu'on s'en est gavé de la vache enragée? On s'en est pour lécher de la vache enragée. On s'en est empipré, on en a dégusté de la vache enragée. La vache vénéneuse, la vache contagieuse, la vache insomniaque, la vache paranoïaque, la vache mal lavée, la vache mal aimée. À l'œil au bernoir, il regarde la vache enragée. Venez, faisons la ronde, y en aura pour tout le monde. Venez, y a pas de raison, venez voir comme c'est bon. Faut pas faire les avares, faut que tout le monde ait sa part. Tout le monde est son jour, faut que tout le monde ait son tour de vache enragée. Et si vous n'en voulez pas, on vous fera monter une bière avec des poignées d'argent. si peur d'avoir le pocket, que tu buvais ton thé à l'assiette et tu gênais les blancs bourbonnais qui te promettaient plein de beaux becs, de baisers beaux, de baisers beaux. Tes baskets. Je vous ai vu partir du Fouquet's et t'avais quand même le pocket avec ta petite jupe de majorette. Tu confirmais les plans du beau. Là, ici, couché, là, ici. Maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la dernière phase de nos nouvelles expressions sur les comptes des nouvelles. Bref, c'est quoi, Gaétan, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bref. Cessons l'introduction et entrons dans l'antre de la guerrier de qui? De l'oncle Buck. Ah, oh, on l'avait où? On l'a mis, on l'avait ici. Oh non, on doit repiger un autre. Baisez-vous. OK, on repige. On ne l'a plus. On ne l'a plus pour toi ce soir. Et monsieur, grand torchon, petit mignon. OK. Alors, la première phrase, c'est, ça c'est le titre, « J'enveloppais ma bite ensanglantée dans une serviette et téléphonais au médecin. » Là, le médecin n'était pas là. L'ambulance n'était pas là. Gaétan n'était pas là. Puis même ma progéniture n'était plus là. Elle se trouvait enveloppée dans ce petit papier cochonné de sang. Ça n'a pas de bon sens. Tout ça devrait faire un documentaire et me rapporter des millions de dollars, mais c'est pas le cas. Puisque je le dis ce soir à la radio, je le dévoile. Sur son faux jour. Faux jour. Je suis dans ce sort. Je suis fauché. Pas Catherine Fauché, je suis fauché. J'ai pas de maudit saigné, puis j'ai plus rien. Je suis dans la dèche. Je sèche dans la dèche. Je suis dans la cale. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Ça fait 22 ans. Non, 22 jours, 23 ans. Hey, c'est-tu des jours ou des années? Oh, le temps ne m'appartient plus. Mon existence non plus. Ça fait tellement de moments que je cherche ce temps que la trotteuse même essaye de fuir les minutes. Essaye de tromper l'heure. Essaye d'effacer la montre. Il ne veut plus rien savoir du temps. On sait très bien qu'avec le temps, va, tout s'en va. Même la temporalité s'attend une de ses gueules lorsqu'elle s'éclabousse dans les rayons de l'oubli. Et le néant, le soir, s'obscurcit pour nous amener un noir complet. Avec le vent qui ramène un peu de lumière, on cherche la frontière entre la réalité et la vie, entre la mort et l'oubli, entre le chat et le beauté, entre le but et l'envolé. Avec le temps, je développais ce petit morceau qui était caché au fond de ce papier, de cette serviette, parce que je l'avais placé dans un papier, ensuite une serviette. La serviette était entourée d'un tissu. Le tissu était entouré dans un matelas. Le matelas était couvert par moi-même. Et là, je saignais encore beaucoup. Parce que je me suis dit qu'un sandwich, c'est là que ça se passe. Madame, applaudissez. Là. C'est le temps. Applaudissez avant de connaître le gag. Là. C'est quelque chose de grandiose. C'est un grand moment de radio, ce que vous allez entendre là. Parce que je me suis pris pour un sandwich. En fait, je me suis mis dans la peau d'un sandwich. Et quand je me mets dans le pot d'un sandwich, dans la peau d'un sandwich, je me dis que si je veux arrêter de faire saigner la tomate lorsque je la coupe, ben oui, mais c'est du jus juteux, c'est juteux. Ben oui, mais quand je vais arrêter le juteux, je la place en deux tranches de pain, comme ça, c'est terminé. Là, je me suis dit, moi qui saigne, je vais me placer entre mes deux matelas qui symboliseront les deux pains. Je serai une sandwich en dessous de moi, entre mon lit, en milieu, plein milieu, mais sans relish, sans ketchup, sans moutarde, s'il vous plaît. Puis pas de micro-ondes, puis pas de frites. Je ne veux pas être accompagné de frites. Je veux seulement que les ambulancières, les infirmières et tout en hier viennent me secourir. Sinon, je risque de mourir. Que le temps ne passe pas si vite lorsqu'on est entouré avec sa... Alors, plus j'avance, plus... je me répète. Il y a 2 ans, je comprenais pas grand-chose. Maintenant, c'est pire. Depuis quand, pour devenir populaire, faut faire des trucs de geek? Ils posteraient des sextapes de leurs parents pour plus de clics. Personne trouve de travail fixe, même avec un bac plus 8. Mon livreur de pizza s'est réparé des satellites. La mode, c'est des cols en V, des pulls, des chemises et des gilets. Les professeurs, les banquiers, les comptables sont devenus stylés. On raconte nos vies à des étrangers pour se sentir exister. J'aime voir une vieille faire une crise cardiaque. Je l'ai tweeté. Ça me choquerait pas que les insultes dans nos pensées soient bipées. Profilé à ta sonnerie, je connais ta personnalité. Autour de moi, la cocaïne paraît tellement cliché. Ça me choquerait pas si j'apprenais que mes grands-parents sniffaient. Plus rien ne m'étonne. Plus j'avance et plus je suis blasé. Les gens normaux, il y en a plein dehors, mais je les regarde à la télé. Tu peux être une célébrité, travailler chez Ed l'épicier. Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de la regarder. Ça me poserait pas de problème que Direct 8 remplace Arte. Les petits vont encore goutiser, Louis Vuittonisé. Bientôt y'aura des carrés VIP dans les lycées. Nos scouts étaient débridés, maintenant c'est leur sexualité. Ça me choquerait pas si Marc Dorcel rachetait Walt Disney. Les mères se font lifter, les filles se font plastifier. Bientôt les gamines de 8 piges feront du 90B. Ça me choquerait pas de trouver du lubrifiant dans les Kinder. J'ai comme envie de gifler tous ces clones de Justin Bieber. Plus rien ne m'étonne. Pour se payer leurs études, mais pas celles de l'État. Ils mettraient des caravanes à la fac, ça me choquerait pas. Fermez les bibliothèques, on a des PS3. Y'a des caméras partout, vos 15 minutes de gloire m'intéressent pas. Tu connais des pattes, espère que la tectonique revienne. Tu portes encore des wayfarers, c'est plus la mode depuis 2 semaines. On sème la terreur dans le crâne des électeurs. Ça me choquerait pas que Wes Craven fasse le journal de 13h. J'ai peur, les capacités de mon cerveau diminuent. Docteur, ma planète est déréglé comme un oubli de pilule. Je pourrais croiser Michael au prochain coin de rue. Plus rien ne m'étonne, je suis plus assez naïf pour avoir un point de vue. Plus rien ne m'étonne. Vous êtes le genre de groupe qui essayait sur scène avant de placer sur en studio, ou si au contraire il y a des titres qui sont uniquement en studio et après ça vous avez déplacé ça sur la scène? Moi j'aime bien faire passer aux chansons le test de la scène. Voilà, ils sont maquettés parfois simplement. Très vite on les met sur scène et on voit, c'est un très bon test pour voir si une chanson fonctionne, pour voir comment on peut l'améliorer. Donc moi j'aime bien jouer des choses qui sont parfois écrites la veille, quoi. J'aime beaucoup ça. Ouais. Il y a des titres que vous faites en concert qui se retrouveront jamais. Oui, ça peut arriver aussi, ça peut arriver parce que parfois on a un disque, c'est quoi? C'est 10, 12, allez, 14 chansons maximum. Et puis quand bon. Quand c'est 14, quand c'est un disque un peu plus, c'est 10-12. Ouais. Ouais, voilà, donc 12 chansons, sur scène, parfois il peut y avoir des chansons qui marchent sur scène et qui présentent pas un énorme intérêt, ça fait des bonus après, on peut les offrir. Et pour montrer votre énergie sur scène, éventuellement, est-ce que tu projettes un CD concert pour vraiment ouais, montrer au public ce qui se ressent quand tu vas te voir? Ouais, absolument. Là, ce qui est super avec cette date qui est le 14 août. Avec Eddie? Ouais, avec Eddie. Avec Eddie, c'est que c'est filmé dans les très bonnes conditions, enregistré. Vous, il y a aussi, tout vous allez être filmé? Voilà, on va être filmé aussi et tout ça. Donc c'est grâce à Eddie Mitchell, avec les trucs d'Eddie Mitchell. Bah ouais, ça va être génial ça. Oh, ça va nous permettre d'avoir 35 minutes de concert filmé avec tout. Et ça fera partie sans doute des DVD bonus si un jour vous faites un spectacle DVD. Ah bah absolument, ce serait. Et voilà, il faut que le concert soit extraordinaire, qu'on en fasse une belle. Alors vous allez avoir de la pression, comment tu te sens avec autant de. Parce que c'est quand même beaucoup de personnes qui vont vous voir et qui vont peut-être suite à ça écouter vos disques. Ouais. Ça fait pas forcément une grande différence de jouer dans une petite trop, ouais. Non, petite salle ou grande salle. Enfin moi ça me change pas énormément. Le track il est toujours là de toute façon. Donc, Et en ce moment ou de moins en moins présent, es-tu le tracker par excellence? Non, dans les quelques minutes avant, la concentration, c'est toujours un peu le même track. Chaque date on reprend un peu à zéro, même si on acquiert de la confiance, mais chaque date c'est une date unique, c'est un moment unique qui reviendra jamais. Et... c'est du spectacle vivant. Exactement, voilà, et donc c'est le spectacle. Faut se mettre en condition, le track est toujours identique. Ok, ouais. Alors ça se modifiera pas. Bah, je pense pas, puis en même temps ça fait partie un petit peu de l'excitation et du plaisir à faire. Mais ton track à toi ne te fiche pas, au contraire, il va te permettre de te rendre plus loin dans. Ouais, il ne me paralyse pas, on a un petit peu d'expérience aussi, on a un peu de bouteille quand même, donc non, c'est un petit shoot d'adrénaline comme ça qui permet de voilà, peut-être éventuellement parfois de se surpasser, d'être aussi quelqu'un d'autre sur scène. Il suffit de se voir après pour se dire hey, c'est nous, c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est assez surprenant de se voir, mais en même temps assez surprenant. Faut pas trop non plus. Non, on passe pas notre temps à se regarder, on essaye de voilà, c'est du spectacle vivant, les gens ils viennent, ils achètent un ticket, il faut qu'ils repartent avec la tête pleine de couleurs, d'émotions, et puis c'est ça qui est important. Voilà. Mais sur scène, êtes-vous porté à faire de l'improvisation? Au contraire, c'est calculé, c'est préparé dans votre studio, vous faites la même chose, vous répétez sur scène, c'est la même chose, mais vous êtes tellement à l'aise que ça semble couler de source, couler de... J'aimerais bien te dire qu'on est tellement à l'aise que ça a l'air facile. Est-ce que vous improvisez? Avez-vous un moment où là... on se déchaîne, on peut planer, ou on peut se donner à fond. On improvise. Tout est rentré dans des circuits. On n'improvise pas. Les chansons ont leur spécificité. Là, voilà, elles ont leur structure. Et c'est cartésien. C'est répété. Comme je dis, c'est quand même voilà, on répète, on essaye de proposer chaque soir un show meilleur, un peu plus à chaque fois que ce soit plus décontracté, et que le son soit. Le show lui se modifie, mais les chansons une fois que voilà, les chansons ont un début, un milieu, une fin, en et général. Il d'endroit où on peut glisser quelques. C'est pas une musique, c'est de la chanson, c'est pas vraiment une musique d'improvisation. Ok. Non. We'll be right back. C'est agressif. Enchanté, moi, c'est Rénal. C'est pas ça que j'ai... arrêtez de dire non, non, oui, oui. OK. Faut que je vous pas, vous, là. C'est agressif. Non, non, moi, c'est Rénal. OK. Comme le mentionnait Jim Morrison. Jim Morrison. Pas Mylène Farmer, là. Et le gars qui dit... Pas Mylène Farmer, liberté, non. Je ne suis une capin, je suis... C'est un missile, non. Con. Comme le mentionnait Jim Morrison, j'ai monté toutes les octaves, moi là. Mi, mi, mi, c'est mon mini, mi, ça roule, mi, à mon lit, ça, mi, la, mi, la, mi. Comme le mentionnait Jim Morrison et Rance Reynaldine, je t'ai soufflé. C'est épuisant, cette émission-là, monsieur. Faudrait faire du bird. Faudrait faire, hein, faudrait en faire. Faites-en pas trop, ouais, j'en ai donc. Ben, c'est ça que je me dis. J'en fais davantage, puis j'en déborde. Je suis excessif dans toute mon agressivité. Comme le mentionnait Jim Morrison, voici Errance Reynaldine. On va le mentionner, monsieur, là. Fâchez-vous pas, puis l'autre... Ah ouais? Ben oui. C'est juste ça, monsieur, hein, vous le saviez? Ah ouais? Ben oui, Jim Morrison, vous le connaissez, là. Ben, vous le connaissez, vous le connaissez encore? Ah ouais? Ah ouais, ben non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air ou ça m'a l'air? Ah ouais? Ça m'a l'air d'un imbécile, ce gars-là. Coupe-moi ça. On veut plus reparler. Troisième ligne, c'est la troisième. Plus de troisième, OK? La deuxième. Madame Thibodeau, attendez. Allô? Madame Thibodeau? Hein? Allô? Non, on l'a coupé avant. Madame Thibodeau? Allô? Bon. Madame Thibodeau, comment va votre petit moineau? Allô? On vous l'avait dit de ne pas le laver maintenant, là. Attendez 2h15. Il n'est pas prêt. Il faut le sécher avant de le mouiller. Votre petit oiseau va mourir. Votre petit oiseau ne pourra plus s'envoler. Mmh. Votre petit oiseau, jamais vous le reverrez. Mais moi, jamais je le verrai, ce petit oiseau. Est-ce que c'est vani? Je l'ai entendu pleurer. Allô? Allô? Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et là, c'est quand je dis assister, c'est parce qu'il y a un filament d'air qui s'est comme court-circuité à travers ma prothèse dentaire. Bref, il n'y avait pas assez de colle entre le palais et la prothèse. On en dit-tu des affaires, des vérités ici, hein? Les gens n'aiment pas ça, la vérité. Ils préfèrent masquer la réalité. Voyons donc. Rien divulgué. Hey. Que ce soit underground. Underground. Underground. Vous voulez pas dire underground? Underground. Souterrain. L'errance rénaldienne, c'est souterrain, ça, c'est sous la couverture de l'anonymat. Complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Ça n'a pas de bon sens. Coupé au montage. On peut pas. Il n'y a pas de montage. Monteur. Il n'y a pas de monteur. Montez. On monte pas. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « agression ». Hey, on se fait agresser continuellement. J'étais monté dans les barricades. Je suis tombé. On m'a agressé vers le bas, là. Hein? On m'a pris pour un arbre, pour un chêne. J'étais pas enchaîné pourtant. J'étais libéré vers le haut. je voulais monter vers leur vers le film. Le film aimant les cinéphiles. Parce que si le film n'est pas les cinéphiles, ce n'est pas un film. C'est une petite création courbée sur elle-même. Puis là, je n'amènerai pas le cinéma d'auteur parce que ça, c'est autre chose. Ça, c'est personnel. Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est émancipé. Mais le petit film, le nombriliste, là, étudiant-temps. Comment? Étudiant-temps. Étudiant-temps. Ben, étudiant qui cherche son nombril et qui retire un à un, oh mon Dieu, la poussière. De quoi? De quoi? De ce nombril-là. Le nombril-là. Mais le nombril-là, le nombril. Dans le milieu, dans le centre de sa terre, dans sa c'est stressant tout ça, là. Lui, il ne sait pas comment faire un dialogue, comment court-circuiter la réalité, comment faire du plan-à-plan. Oh! Du photogramme en photogramme. Hein? Je l'ai mentionné à quelques reprises, la diachronie de synchronie. Ah, oh, mais il recommence. Non. La diégèse. Ce qui est en avant, là, la chose, là. Ben, c'est pas la chose. C'est, mon dos. Le prolepse en arrière. Hein? L'analepse en avant. Non, c'est analepse en arrière, la prolepse en avant. Ah! Tout ça se passe là pendant 2 heures. Puis là, les gens ne doivent pas voir tous les rouages, tous les manipulations que l'on veut lui amener pour entourer tout ça d'un réalisme le plus concret possible, ou poétique possible, ou extravagant possible, ou rigolo possible, ou dramaturgiquement possible, entre guillemets, ou peut-être des petites scènes de osées, mais on n'ose pas les placer trop au début. Il faut que le cinéphile, hey, monsieur, attendre le moment précis. Et ça, normalement, là, c'est... tu divises le film en trois, là. C'est dans la troisième tranche du film. Au début du récit, tu avais remarqué la poulette. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un petit coco pour Eric qui fera pas de dos. Do, dish, do, hum, hum, hum, hum. C'est la poulette blanche qui a pondu dans la grange. Johnny, nettoie-moi ça, sa grange-là. Il y a la vache. On la nommera pas. Et il y a le fermier dans la grange qui va faire dodo pour la poulette qui a fait cortiche, dodo. Allô? Thank you. McGinty thought he could fool the fall with his imitation speeds, but he had not accounted for the psychic nose. He did not know there are no big shots on the rock, and even if there were, McGinty would not be among them. À l'aise quand tu sais ce qui va arriver. Et quand l'autre va faire son saut, parce que tu serais peut-être incapable de te rendre compte qu'à un moment donné, ça s'enchaîne pas vraiment comme tu l'avais prévu. Il y a des musiques qui se prêtent à ça, le jazz. C'est pas malaise, c'est ça. Ouais, non, ça nous fait pas peur, mais simplement, voilà, le format. Voilà, une chanson, c'est une chanson, c'est ni plus ni moins, j'ai envie de dire. C'est. Voilà, ça. Il y a un texte, elle raconte une histoire. Peut-être que faire une chanson de 12 minutes, personnellement, moi, en tant que si je vais voir un concert, je préfère que la chanson, voilà, me prenne comme ça 2 minutes 30, 3 minutes, 3 minutes 50, et hop, on passe à autre chose. Voilà, c'est pas de la musique qui se prête vraiment à l'improvisation. C'est pas le Pink Floyd, c'est pas Miles Davis, tu vois, on est... Voilà. À part Eddie Mitchell, quel autre spectacle, quel autre allez-vous rentrer en studio pour terminer quelques titres à travers tout ça, À la rentrée, c'est après le spectacle, après cette date, oui, après cette date, à la rentrée, en ce moment ça négocie un petit peu, alors c'est pas ça, c'est... négocie dans quel sens, pour studio, pour un label. Ok. Ça négocie pour tout, pour un label, pour un éditeur, qui les gens, voilà, écoutent en ce moment, et puis mais tu voudrais pas partir toi-même ton propre label comme plusieurs font? C'est-à-dire que c'est... Il n'y a pas cette concentration dans la musique, c'est beaucoup plus dans l'administration. Et ouais. Ça, tu veux pas te mêler à ça? Oh, c'est... Oui, l'administration, déjà, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas ma littérature préférée, tu vois, ouais. Les contrats. Si, un studio, des outils de production, un studio qui permet d'être autonome, ça, c'est important, ça fait partie des projets. En revanche, pour essayer de toucher un public, un large public avec des chansons qui sont... Assez grand public, finalement, on est quand même amené à travailler avec des gens qui ont pignon sur rue, des labels qui... Des gros, voilà. Labels ou... Bah, pas forcément, c'est pas forcément... Mais ça peut être un label internet aussi, de plus en plus, il y a des... Ça peut être un label internet, ça peut être... De toute façon, le plus important, c'est que ce soit un label motivé. Ok. Voilà, soit okay. Des gens, peu importe s'il est gros ou petit, c'est que ce soit des gens qui... Voilà, qui croient. Tu sens qu'à un moment donné, le disque va aller quelque part, et non pas confiné à... Malheureusement, un rayon qui va... Exactement. Qui va poussiérer l'album, tu veux être vu et entendu. Ouais, le plus important, c'est de trouver c'est de travailler avec des gens qui sont enthousiastes et qui ont d'énergie. Mais quand tu écris, et ça c'est important, des fois il y en a qui misent radio, qui misent commercial. Est-ce que lorsque tu fais une chanson, que tu places au piano, tu dis hey, ça peut jouer à la radio, au contraire, tu te fous éperdument de ça, tu veux garder, tu veux faire un style, tu veux avoir une vision propre. Sans vraiment te soucier du quota radiophonique, 2 minutes 30, 3 minutes pour la radio. Je sais même pas si les gens dont tu parles existent. Je me suis déjà posé la question. Et pour avoir rencontré des gens qui passent, qui écrivent et qui écrivent des tubes qui passent à la radio toute la journée, la plupart des gens qui le, tous ceux que j'ai rencontrés le font avec beaucoup de sincérité en fait. Quand on parle de chansons, attention, d'innocence, de sincérité et de voilà. Si ensuite, moi personnellement, j'écris d'abord, je réfléchis après. Dur d'être un bébé quand même qui a été. Oui, mais bon. Alors voilà, évidemment, tu peux toujours prendre. C'est okay, évidemment. Ouais, ok, voilà. on a été chercher quelque chose assez. Oui, okay. Voilà, j'imagine. Tu vois, c'est non, mais sorti. La compagnie créole. Ah, mais la compagnie créole, je crois qu'ils l'ont fait avec beaucoup de passion. Et après, okay. que ça ait fonctionné, ça tant mieux. Malgré eux. Bah, malgré eux, ou. Voilà, un musicien c'est comme aujourd'hui. Comme Tuco, bref. Ah, ben un musicien aujourd'hui, il doit vivre, hein, tu sais. Oh, oui, oui. C'est de lui que tu parles. Oui. Hein, t'as pas tant. Il a travaillé avec moi il y a 3 mois. Ah, c'est mon ami, hein, peut-être que j'ai rien dit. Bah regarde, voilà, tu dis les Rita Mitsuko, voilà, un groupe français très original, très sincère, et qui a fait un truc complètement perché, complètement étrange, bizarroïde, et ça a vraiment fonctionné. Donc je crois qu'il n'y a pas de règle, voilà, on le fait alors, d'abord. Tu travailles pas selon le fait que ça pouvait peut-être. Ah non, ça ce sont des questions qui regardent les gens qui s'occupent des radios. Ça, c'est... Avez-vous un tourneur ou... Là, on a un tourneur, qui s'appelle MMP, qui est en Alsace. Et puis. Est-ce qu'ils ont une visibilité francophone, exemple, aller peut-être un jour pouvoir aller jouer en Belgique, en Suisse et au Québec? Alors, bien sûr, ils sont d'ailleurs. C'est un tourneur qui est d'ailleurs même spécialisé sur. Le Québec? Sur tous les. Les îles. Sur les îles, l'océan Indien, les Dom-Toms.

d'Orléans, là. Non, pas l'île d'Orléans. Ah, j'aimerais, oui, bien. Bon, ben, alors, ah, j'aimerais bien. Ah, oui. T'as l'impression d'être sur une île où il y a des mormons. Oui, effectivement. C'est oui. Il y a Philippe Saclar. Excuse-moi. Ah, ok. Alors, on va tirer. Ouais. On tire plus par là ou... Ouais, on va. On change de. On change. Ouais, parce que je crois qu'ils vont sortir. Ah, merde, je crois qu'ils vont tous sortir. Mais les tables étaient déjà là ? Ouais, ouais. Oui. Bon, bah alors, c'est bon. Ouais. On va les laisser. C'est la troisième fois que je transfère, c'est bien. Coucou, là ? C'est du matos. D'accord. Il y a du changement, oui. Ah ben, écoutez, c'est la dernière. Non, mais c'est la dernière, c'est pour ça. Ah, d'accord. On se lâche, alors? Ah oui, un peu, légèrement. Ah, t'es là depuis combien de temps? Depuis vendredi. Ah. Je m'en vais demain. D'accord. Alors, donc, votre tourneur va éventuellement vous proposer peut-être des dates au Québec? Ah, j'adorerais, ouais. Ah oui, toi, t'es certain? Ah ben, il faut. Ah moi, j'adorerais, je suis jamais allé. Ce serait génial d'aller au Québec, mais pas simplement comme ça... Quoi, d'y aller et puis de découvrir le public et puis voilà, c'est vachement bien pour découvrir un pays, d'avoir quelque chose à y faire, et de la musique, on peut pas rêver mieux pour découvrir un pays. Surtout en musique. Petit voilà. Concert sur les plaines d'Abraham. Ah ben oui, mais ça c'est au festival d'été. Ouais, au mois de janvier, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, mais... non mais en plus Riato, moi je pense qu'au Québec, les gens vont accrocher à fond. Hein. Moi qui ai été... Ouais, c'est sûr. Mais c'est un public, hein, de c'est, ah bah, de c'est clair. Ouais. Oui, effectivement. Mais je parle vraiment de Québec, hein. Je parle pas de Montréal, du Foufoune électrique, du Spectrum, non. Tu vois. Non, je parle Québec. De Québec, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Quoi. On est très attaché aux paroles, on est très attaché à la francophonie. Ouais, c'est très francisé, tandis qu'à Montréal, c'est mitigé. Il y a le quartier chinois, il y a le quartier... Voilà, c'est ça. Ouais. On est encore l'intégrité. On est la petite France là-bas. Il y a même des petits quartiers, là. La rue Saint-Jean, je ne sais pas si... Ben oui, voilà, c'est ça. Alors donc, c'est des petits trucs de Paris. Vous êtes les derniers francophones qui écoutent encore les paroles des chansons. Voilà. Ben, il y en a quelques-uns, là, sur France Inter, des petits pointus, des élitistes. Mais oui, on fait partie des gens qui... Oui, on se rattache aux mots, on se rattache à ce qui nous reste, parce qu'on est envahi. Hein. Mm-hmm. Donc, vous l'êtes pas envahi, mais pour être dans le vent, vous anglicisez. Ici, on n'est pas envahi? Ah bon? Ben, vous êtes sauf qu'on n'est pas envahi? Oh non, pas du tout. Ah bon? Oh non, sauf dans les auberges de jeunesse où là je me sens envahi, là, parce que je peux pas parler français à Paris dans une auberge, où c'est hallucinant. Mais sinon, écoute, on peut se faire comprendre en français ici. Oui, on peut se faire comprendre en français. On a quand même mis des quotas, parce que voilà, quand je dis envahi, je sais pas, j'ai l'impression que la France est quand même... Une sorte de 51e État américain, pour moi. On mange des burgers toute la journée, il y a MTV partout. Titre qu'on peut jouer à l'anglo-saxon ici, oui, voilà. Mais c'est ce qui plaît aussi aux Français, de jouer à l'anglo-saxon. Oui. Mais c'est un truc, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas à Bruxelles, par exemple. Tu parlais de la Belgique tout à l'heure. Ouais, tu parlais de la Belgique tout à l'heure, Bruxelles par exemple, moi j'adore Paris. Oui, hein, mais Bruxelles ressemble étrangement au Québec, c'est comme la Suisse. Ben voilà. Donc eux sont comme menacés. Donc, mais même s'ils restent plus près de la France que nous on est vraiment un petit noyau imbibé d'anglo. Donc on essaie de montrer notre drapeau francophone, non pas français, mais francophone. Ouais. Parce que bref, on a une langue propre, on a des expressions, on a des québécismes. Le Québec, et on est fiers de ça. Là. Quand un Français arrive chez nous, on peut s'amuser à sortir nos québécismes et à le voir aussi embêter. On peut s'amuser des uns et des autres. Ouais. Donc, écoute, Laurent, merci d'être passé à mon émission. Eh ben, merci beaucoup. Nous allons diffuser les quatre titres plus les liens que tu m'as remis sur Internet. Donc, on se voit à CKRL dans nos studios. Ben, je suis ravi. J'espère qu'on va venir vous voir à Québec très bientôt. Ouais. On adore cette... à CKRL, on adore amener des musiciens et faire du direct. Ah, ben, c'est parfait. Donc, on a une petite place, un studio super intéressant. Donc, on va organiser ça. Ah oh, oui, bien. On se rencontre là. Ça tombe bien, c'est ce qu'on aime faire aussi. Donc, ah, ben, voilà. C'est merveilleux. Donc, à Québec dans quelques mois, quelques années. Très prochainement. Très, voilà. Très prochainement, avant Noël. Voilà. Ah, ben oui, ou à la Trinité. Ou à la Trinité. OK. Ben, merci. Alors, à la revoyure. À la revoyure, oui. Salut. Vous écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au Reynald Québec, hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Entre les doigts, Paris sans toi. Et le taxi qui s'arrête pas, Paris sans toi. C'est le dernier métro parti sans moi. Paris sans toi. J'ai peur sur la ville, seul sous les draps. Paris sans toi. Sur les toits, y a plus d'Aristochat. Paris sans toi. Belle ville, mais j'parle pas chinois. Paris sans toi. Les rats ont fui l'opéra. Paris sans toi. C'est le dernier métro parti sans moi. Et je ferai n'importe quoi. J'irai gagner Alésia et Austerlitz et Iéna et l'Alma. J'irai chercher jusqu'à l'enfer. Oh, j'éviterai les filles du calvaire. Pour qu'on se rencontre encore une fois, encore une fois. Paris sans toi, et Brel retrouve pas l'Olympia. Paris sans toi, c'est Piaf qui a perdu sa voix. Paris sans toi, et Gavroche qui se relève pas. Paris sans toi, c'est brûler Mona Lisa. Paris sans toi, y'a rien à faire, c'est comme ça. Sur les toits, y a plus d'Aristochat. Paris sans toi. Belle ville, mais j'parle pas chinois. Paris sans toi. Et Notre-Dame a perdu la foi. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.